connerie, n'attends pas le nombre des années. Vous qui osez nous juger n'êtes pas meilleurs que nous. La bêtise est votre atout, votre bassesse me fait piquer. Les autres remuent la boue, ils se font. Les autres, tous plus cons les uns que les autres. Les autres, se prennent pour les impôts. Les autres, pas un proche des autres. Les imbéciles, les abrutis sont rois. Il me sera difficile pour vous de faire le choix. Votre passé est stadial que votre cupidité. Cultivant le scandale, votre arme préférée. Les autres remuent la boue, ils se vont. Les autres, tous plus cons les uns que les autres. Les autres se prennent pour les impôts. Les autres. Trop médisant pour être intéressant. Les gens comme vous, insignifiants, me font perdre le monde.